même amour du premier jour. Est-ce que je te surprends encore? Est-ce que tu m'oublies quand tu dors? Est-ce que je suis toujours le même? Ou bien la vie m'a-t-elle changé? Me dirais-tu encore je t'aime si tu devais me rencontrer? Toutes ces questions qu'on pose toujours, de peur de voir passer l'amour. Toutes ces questions qu'on pose le soir, pourrais-tu passer sans me voir? Est-ce que tu as confiance en moi? Où que j'aille, est-ce que tu iras? Est-ce que l'envie peut résister au même lit pendant des années? Est-ce que tu souhaites refaire encore autant d'années, autant d'efforts? Est-ce qu'un autre homme ne pourrait pas te donner tout ce que je n'ai pas? Toutes ces questions qu'on pose la nuit, et puis qu'au matin on oublie. Toutes ces questions qu'on pose toujours, de peur de voir passer l'amour. Même amour du premier jour, n'as-tu jamais eu de regret? Suis-je vraiment ce que tu voulais? Toutes ces questions qu'on pose souvent, de peur de voir passer le temps. Toutes ces questions qu'on pose la nuit, de peur de voir passer la vie.